Bonjour Roro, ça va bien? Ça va? Faut le camp. Oh, ben t'en as un accueil aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est des heures à rendre visite? C'est midi et demi. Je t'ai interdit de venir ici maintenant. Pourquoi tu me parles comme ça? Parce que j'en ai marre de te voir venir ici tous les jours à midi et demi. C'est pas une heure à rendre visite, ça, non? Oh. Pourquoi tu travailles pas? Tu viens de faire encore inviter à déjeuner? Ah oh ben t'es pas gentil. J'ai dit à ta frangine que c'était fini, je veux plus te voir ici. T'as qu'à travailler. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben je l'ai déjà dit 1000 fois. J'essaye d'être artiste. Mais t'as qu'à te lever le matin à 4 heures. Tu verras ce que c'est en plein hiver quand on va à l'usine, qu'on offre aux genoux, qu'on offre aux chevilles. On le vole pas son pognon. Feignant. Eh ben, je vais m'en aller. Tu manges du civet de lapin? Ça sent bon le laurier et puis le thym. Tu trempes ton pain dans la sauce? Fous le camp, je te dis! M'en aller. S'il est aussi bon qu'il sent bon, il doit être bon. À quelle heure tu te lèves, toi, le matin? Quand moi, je me suis levé à 4 heures. Moi, je veux pas me lever vers les 10h, 10h30. Parce que dans la profession que je pourrais avoir, on se couche tard. Parce qu'on va voir les autres à droite, à gauche. Alors, ça fait qu'il faut qu'on se lève tard. Quand j'étais petit, moi, ma maman, elle nous donnait toujours des petites pommes de terre cuites à l'eau. Puis on les écrasait dans la sauce. Voilà. Voilà. Tu manges le cœur. Un lapin, ça a un cœur. Je me fais un mauvais sang en ce moment. Tu te fais toujours du mauvais sang pour les autres. Je suis en train de penser à la chienne de la concierge. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a eu 9 petits chiots. Ils sont mignons, ces petits chiens. Et alors? Et alors, elle a 8 étangs. Alors, je suis en train de penser au 9e. Il est comme moi. Il regarde les autres manger.